Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. 1997, le groupe Daft Punk, pseudonyme commun de deux jeunes parisiens, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, publie un album intitulé Homework qui remporte un vif succès international. La presse parle alors de French Touch. Nous avions commencé cette série de chroniques il y a quelques semaines en rappelant le serment de Strasbourg en 842, considéré comme le premier témoignage du français en train de naître. Devrons-nous, dans l'ultime émission de cette série, nous interroger sur sa possible disparition ? L'emploi massif de termes anglo-américains, après avoir envahi la sphère économique, gangrène progressivement les secteurs artistiques, en particulier la musique. Cela a commencé avec la pop, puis la soul, le funk, la house, le garage. Quant à l'expression French Touch, elle est employée aujourd'hui pour les start-up, les collections de haute couture ou pour vendre aux Français des voitures de conception française. Pour nous repérer, revenons à la musique électronique. La France, dès 1951, est parmi les pionniers en ce domaine avec la création par Pierre Schaeffer du GRM, le groupe de recherche musicale de la radio. Il permet la réalisation des premiers essais de musique concrète ou de musique électronique, même si ses pionniers, tels Pierre Henry, récemment disparu, œuvrent alors avec des ciseaux et des bandes magnétiques. Au sein du groupe de recherche musicale, le premier artiste électro-français, Jean-Michel Jarre, fait son apprentissage de compositeur, puis rassemble des foules de 1 à 2 millions d'auditeurs lors de grands concerts du 14 juillet en France ou à l'étranger, en Chine en particulier. Les Daft Punk reconnaissent l'influence de Jean-Michel Jarre et de son album Oxygène, paru en 1976. Nous étions tout petits, c'est peut-être pour ça que c'est en nous. Coiffés de casques intégraux et de combinaisons métallisées, les deux musiciens apparaissent comme des robots ou des androïdes, toujours mis en scène et en lumière, dans une atmosphère de science-fiction. Dans Homework, leur premier album, le titre Around the World est le plus apprécié, promu, il est vrai, par un clip remarquable réalisé par Michel Gondry sur une chorégraphie dynamique de Biancali. La carrière de Daft Punk est désormais lancée. Avec son lot de nominations, de récompenses en France et dans le monde, et le groupe alterne la composition d'albums et les concerts ou les festivals. 5 récompenses aux Grammy Awards en 2014 pour leur album Random Access Memories. Leur scène, c'est le monde. Autour de leur second album, Discovery, est créé un long métrage japonais en dessin animé. Au cinéma, Mia Hansen-Love évoque le début des Daft Punk dans son film Eden en 2011. Mais sur cette scène internationale, la French Touch sont aussi d'autres personnalités, DJ, musiciens ou groupes parfois éphémères, Saint-Germain, Étienne de Crécy, Zdar, Cassius, Motorbass et surtout R, victoire de la musique dès 1999, qui compose la bande originale du film Virgin Suicide de Sofia Coppola en 2000. Mais aussi un album inspiré par le voyage dans la lune de Méliès dont nous avons parlé il y a quelques jours. Alors, affaiblissement de la langue, mondialisation inévitable, reconnaissance d'un renouveau de créativité musicale, pessimistes et optimistes choisiront, comme toujours, le point de vue qui correspond le mieux à leur caractère. Quant à moi, chers auditeurs, il me reste à vous remercier de votre fidélité et à espérer que ce billet quotidien vous a donné à connaître, à réfléchir ou à vous distraire durant ces belles matinées d'été.